Barcelone, des pavés, du soleil, des visages, un été plein d'images et de fleurs. Barcelone, dans le port, un bateau qui s'amarre, le bourdon des guitares et mon cœur. J'ai revu cette rue sous le ciel de septembre. J'ai revu la fenêtre grillée de sa chambre. Jour trop court, le vent chaud caressait nos visages. Et l'amour nous jetait des étoiles au passage. Barcelone, souvenir de nos nuits haletantes, d'un été qui me hante. Barcelone. Triste, le chemin m'a mené jusqu'au banc de jadis. Et soudain, te voilà, c'est bien toi, rien n'existe. Dès demain, tous les deux, nous irons vers la vie. Barcelone. Sur le port, dans le vent qui se lève, je vois vivre mon rêve, Barcelone.